Pourquoi Dieu s'est-il fait chair? Quel est son but en cela? Terminer une ère ancienne, commencer une nouvelle. Dieu est le commencement et la fin. Lui-même commence son œuvre, met fin à l'ère ancienne, ses preuves qu'il conquit Satan et le monde. Dieu est le commencement et la fin, le semeur et le moissonneur. Une bataille neuve commence. Sans son œuvre nouvelle, l'ancienne ne peut finir. L'ancienne œuvre n'étant pas encore finie, montre que la guerre avec Satan n'est pas encore achevée. Dieu est le contrôle de Satan, si Dieu ne venait pas œuvrer, il n'y aurait pas de départ neuf, une nouvelle vie. L'homme serait condamné à l'ère ancienne, sous l'emprise de